te voyant, vient de s'allumer. Je m'arrête à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D.